mon trésor de l'esprit. La vie c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? Bienvenue à tu l'ami, mon trésor de l'esprit. Bienvenue à tu l'ami, la vie c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? Complete.